Que toute la terre élève le nom du Seigneur Jésus. Lui qui a laissé une tombe vide et a pisé les sommets. Gloire à toi, ô ressuscité, ton peuple est exalté. Amen, amen. Ces jours-là, beaucoup étaient morts. Mais il y en avait un qui est aussi mort. Mais que la tombe n'a pas pu supporter. Celui-là, c'est Jésus le vainqueur. On les cherche partout. Il n'était plus là. Même dans la tombe, il n'était plus là. Au séjour des morts, il n'était plus là. Il sortit alors vainqueur. Cela restait dans la tombe. Mais il y en avait un qui est aussi mort. Mais que la tombe n'a pas pu supporter. Celui-là, c'est Jésus le vainqueur. Et aujourd'hui, il est vivant. On les cherche partout. Il n'était plus là. La tombe, il n'était plus là. Au séjour des morts, il n'était plus là. Il sortit alors vainqueur. Dans la tombe, mais le fondateur de notre église, il sortit de la tombe. On les cherche partout, il n'était plus là. Même en enfer, il n'était plus là. Au séjour des morts, il n'était plus là. Il sortit alors. Celui-là, c'est Jésus le vainqueur. On les cherche partout. Il n'était plus là. Il n'était plus là. Il n'était plus là. Alors vainqueur. Oh, il n'était plus là. Il n'était plus là.